Au passé, nous avons déjà vu le passé composé, avec les terminaisons en ado et ido. Et il y a un autre ton du passé qui est facile à utiliser en espagnol. C'est la forme du passé qui permet d'exprimer une action continue ou qui se répète dans le passé. Comme quand on dit par exemple « je l'attendais chaque fois avec impatience ». C'est l'imparfait. Pour les verbes « en ar », ils se terminent en « ab ». Par exemple, « esperar » donne « esperaba ». « J'attendais ». Alors, « je parlais », ça sera « hablaba ». « Hablaba », oui, pour « je parlais ». Et avant, je dînais tous les jours au restaurant. Avant se dit antes. A-N-T-E-S. Antes. Donc, avant, je dînais. Quel est le verbe dîner? Cenar. Cenar, très bien. Alors, si hablaba, c'est je parlais, je dînais, ça sera. Cenaba. Cenaba, oui. Ça, c'est « je dînais ». Donc, avant « je dînais ». Antes cenaba. D'accord. Antes cenaba. Tous les jours au restaurant. Todos los días. Au restaurant. C'est « en el ». Ah oui. « En el restaurante ». Encore ? Restaurante. Très bien. Antes cenaba todos los días en el restaurante. Cenaba, c'est une action qui se répète dans le passé. Donc, on a la terminaison aba pour les verbes en ar et la terminaison ia, simplement ia, i, accent aigu, a, pour les autres verbes, se, en er et ir. Alors, je mangeais, ça sera comía. Comía, oui. Et je le faisais lo hacía. Lo hacía. Et je sortais salía. Salía. Je l'appelais lo llamaba. D'accord. Lo llamaba. Donc, aba et ia, ce sont les terminaisons pour la forme avec je, mais aussi avec il ou elle, et donc aussi avec le vous de politesse. C'est la même forme, aba ou ia. Alors, encore une fois, je le préparais se dit lo preparaba. Il le préparait. Lo preparaba. C'est ça. Là aussi, c'est lo preparaba. Et vous, usted, vous le prépariez? Ben, lo preparaba. Bien, lo preparaba. Donc, avec yo, elle, ella et usted, on a la même terminaison. Aba pour les verbes en ar. Et « ia » pour les autres verbes. Avec « ellos »,« ellas » et « ustedes », il suffit d'ajouter un « n » final à la terminaison de départ, « aba » ou « ia », ce qui donne les terminaisons « aban » et « ian ». Et avec « tu », « tu », il suffit d'ajouter un « s » final, ce qui donne « abas » et « ias. Avec nosotros ou nosotras, on ajoute mos à la terminaison de départ, aba ou ia. Donc, abamos et íamos. Remarquez que dans la terminaison abamos, c'est l'avant-avant-dernière syllabe qu'on accentue à l'oral. Abamos. Donc, il y a un accent écrit sur le premier a. Abamos. Donc, abamos et íamos, avec un accent sur le i. Alors, tu le préparais, se dira Lo preparabas? Lo preparabas. Il ou elle, au pluriel, le préparait. Lo preparaban. Encore une fois. Lo preparaban. Ban, hein, d'accord. Ban, lo preparaban. Alors, je le faisais. C'est lo haceba. Attention, pour les verbes an ar, on avait la terminaison aba. Mais pour les autres, hein, a faire, i. Ia. Donc lo hacía. D'accord, lo hacía. Il ou elle, au singulier, le faisait. Lo hacía. Lo hacía. Vous le faisiez. Hein? Utilisez la forme usted. Lo hacía. Lo hacía. Tu le faisais. Lo hacías. C'est ça. Lo hacías. Et il ou elle, au pluriel, le faisait. Lo hacían. Bien. Lo hacían. C'est ça. Hein? Lo hacían. Qu'est-ce qu'il... Il, au singulier. Hein? Qu'est-ce qu'il te disait? ¿Qué te decía? Voilà, c'est ça. ¿Qué te decía? Et je n'ai pas compris ce que vous disiez. Hein? Vous, usted. Je n'ai pas compris ce que vous disiez. No me decía. Non. No me decía serait vous ne m'avez pas dit. Hein? Tandis que je vous ai demandé, je n'ai pas compris. No. Je n'ai pas. No, Noé. Noé. Comprendido. D'accord. Hein? Noé comprendido ou Noé entendido. Hein? C'est la même chose. No he comprendido ou no he entendido. Ce que qui se dit lo... Lo que. Lo que, d'accord. Vous disiez. Lo que decía. Lo que decía, c'est ça, très bien. No he comprendido ou no he entendido. Je n'ai pas compris. Lo que decía, ce que vous disiez. Si vous voulez dire « je le faisais tous les jours », ça sera « lo hacía todos los días ». « Lo hacía todos los días ». « Lo hacía », je le faisais, « todos los días », tous les jours. « Lo hacía todos los días ».